Cependant, il ne fallut pas moins de 4 jours pour tourner cette impraticable contrée. Le 23 février seulement, à 50 milles de Maunganamu, Glenarvan put camper au pied d'un mont anonyme indiqué par la carte de Paganel. Au dessert, Paganel fit une motion qui fut adoptée avec enthousiasme. Il proposa de donner le nom de Glenarvan à cette montagne innommée qui se perdait à 3000 pieds dans les nuages. Il pointa soigneusement sur sa carte le nom du Lord écossais. On ne parlait plus d'Harry Grant. À quoi bon, puisqu'on ne pouvait rien tenter pour lui. Si le nom du capitaine se prononçait encore, c'était dans la conversation de sa fille et de John Mangles. Quand il parlait d'Harry Grant, John faisait encore des projets de recherche ultérieurs. Harry Grant existait quelque part, donc fallait-il fouiller le monde entier, on devait le retrouver. Mary s'enivrait de ses paroles, et John et elle, unis par les mêmes pensées, se confondaient maintenant dans le même espoir. Souvent, Lady Helena prenait part à leur conversation, mais elle ne s'abandonnait point à tant d'illusions, et se gardait pourtant de ramener ces jeunes gens à la triste réalité. Le 25 février, la route fut barrée par une rivière. On put la passer à gué. Pendant 2 jours, les plaines d'arbustes se succédèrent sans interruption. Alors apparurent d'immenses et interminables forêts qui rappelaient les forêts australiennes. Mais ici, les kauris qui remplaçaient les eucalyptus. Pins gigantesques, dignes rivaux des cèdres du Liban et des mammouthrées de la Californie. Les kauris mesuraient 100 pieds de hauteur avant la ramification des branches. Ils poussaient par bouquets isolés et la forêt se composait non pas d'arbres, mais d'innombrables groupes d'arbres qui étendaient à 200 pieds dans les airs leur parasol de feuilles vertes.